بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، louons Jah Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés de six assises à travers ce moyen de communication, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense en bien ceux qui sont derrière ces tutoyis de travail. Et heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio de Taqwa après cette longue coupure qui nous a amené à travers certaines maisons du hadith, à travers le Maroc, où nous avons rencontré nos frères en Allah subhanahu wa ta'ala, et là où nous sont passés, ils vous passent salam. C'est notre deuxième assise autour de ce sujet, comme on pourrait dire le sujet de l'heure, qui est l'hiver. Cette série qui est intitulée « L'hiver est là ». Et donc, comme tout le monde le sait, l'eau est un des grands bienfaits avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les créatures. C'est pour cela, quand il pleut, comme nous l'avons vu lors de la première assise, quand il pleut, la joie se voyait sur le visage de notre messager alayhi salatu wassalam. Comme tout le monde le sait, que la pluie contient beaucoup de bienfaits. Parmi les grands bienfaits de l'eau, c'est une boisson pour toutes les créatures. قال عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. La traduction approximative du sens de ce verset dans Sourate les Abeilles, verset 10, c'est lui qui fait descendre du ciel une eau qui vous sert de boisson et fait croître les plantes avec lesquelles vous nourrissez vos troupeaux. Les Abeilles, verset 10. Donc l'eau est une cause par le biais de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait pousser les céréales, les légumes, les fruits et toutes sortes de végétation qui est bénéfique aux créatures. قال عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Donc la traduction approximative du sens de ce verset dans sourate Ibrahim, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre et qui fait descendre du ciel de la pluie par laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour votre subsistance, et il a soumis pour vous les rivières. Sourate Ibrahim, verset 32. Et donc, vois bien que l'eau, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la valeur de cette grâce, ceux qui en sont privés, dans beaucoup de pays, en Afrique, au Sahara, et ainsi de suite. Et parmi les bienfaits de la pluie, c'est qu'Allah fait vivre avec la pluie toutes choses. قال عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. La traduction approximative du sens de ce verset dans Sourate les Prophètes, verset 30. Et de l'eau, nous avons créé toutes choses vivantes. Et parmi les bienfaits de la pluie dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala redonne à la terre morte la vie avec l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala, avec la pluie, redonne la vie à la terre morte. قال عز وجل والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. Donc toujours dans sourate les Abeilles, verset 65, le verset, sa traduction approximative nous dit ceci: Allah fait descendre du ciel une eau par laquelle il redonne vie à la terre morte, et il est en cela une preuve pour ceux qui entendent et comprennent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci le comprend celui qui vit dans des pays comme le Maghreb et Quand on subit des années de sécheresse, on voit la terre qui est morte, qui est fissurée, tellement elle est sèche, elle est fissurée. Et on voit les bêtes, être à côté des arbres et essayer de trouver quelque chose à manger. Et quand l'eau arrive, cette terre qui était aride, qui était desséchée, qui était sec, qui était fissurée, ressort. La subsistance pour les humains, blé, légumes, et ainsi de suite. Et tout ceci, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures. Et, قال عز وجل, وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ولبت وأنبتت من كل زوج بهيج. Dans ce verset, dans sourate Le Pèlerinage, verset 5, la traduction approximative nous dit ceci: de même, on voit la terre desséchée, mais dit que nous faisons tomber la pluie, il remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides espèces de plantes. Et tout ceci prouve la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et face à cela, nous devons être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala, car il a mis à notre service tout ce qui peut faciliter notre vie et faciliter l'obtention de notre subsistance. Et quand on médite l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala, on capte sa grandeur et sa majesté subhanahu wa ta'ala. Il donne la vie à la terre desséchée et fait surgir de celle-ci toutes sortes, toutes choses qui sont bénéfiques à ses créatures. Nous devons avoir un regard qui médite les bienfaits d'Allah et qui motive la reconnaissance et le remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre regard sur les bienfaits d'Allah doit être un regard méditant, avec lequel on médite les bienfaits et les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de cette méditation doit découler la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant en application ses ordres et en s'abstenant de ce qu'il a interdit. En un mot, accomplir taqwa. Avec la pluie, Allah subhanahu wa ta'ala fit vivre les humains, fit vivre les bêtes, la terre, les arbres, les plantes, les légumes, les fruits, etc. C'est pour cela que notre messager sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la communauté certains comportements à adopter quand il pleut. Et il est légiféré aux musulmans, quand il pleut, de faire le dua qui concerne la descente de la pluie. Ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma j'alhu sayyiban nafi'an. La traduction approximative de ce dua qui est dans Mukhtasar al-Bukhari l'imam al-Albani, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Allah, fais que cette pluie soit bénéfique. Donc dans ce dua, le musulman demande à Allah que la pluie soit bénéfique pour le pays et pour les créatures. Comme il est légiféré aux musulmans de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait qui est la pluie, en disant, comme il est rapporté dans le résumé de l'authentique d'Al-Bukhari de Cheikh Nasr al-Din Albani, rahmatullah alayh, مطرنا بفضل الله وبرزق الله ورحمته. Nous avons reçu la pluie grâce à la bonté d'Allah, sa subsistance et sa miséricorde. Et il est préférable, au moment où il pleut, que la personne fasse dua pour lui-même et pour autrui, en demandant à Allah les bienfaits de ce bas monde, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Car quand il pleut, c'est un moment de l'exauce du dua. Selon le hadith du messager authentique, Selon le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Cheikh Nasser Dil Albani rahmatullah alayhi, dans la chaîne des authentiques, il a dit alayhi salatu wassalam, da'watani la turaddan. دعوتان لا تردان عند التحام الجيش وعند نزول المطر. Il a dit عليه الصلاة والسلام dans ce hadith, deux dua ne sont pas refusées au moment du combat sur le sentier d'Allah et au moment où il pleut. Le messager d'Allah, quand il pleut, découvrez le haut de son corps pour qu'il soit touché par la pluie. Et il disait, إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ. Il disait, c'est une pluie qui vient d'être créée par le Seigneur. Le hadith est chez Muslim. Le messager d'Allah tenait à ce que la pluie touche le haut de son corps. Ceci par joie et allégresse devant ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la pluie. Et quand on subit la sécheresse et qu'il ne pleut pas, ceci est un châtiment pour les péchés commis par les humains. قال عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci. Nous avons éprouvé le peuple de Pharaon par des années de disette et de mauvaises récoltes afin qu'il se rappelle en tirant exhortation. Sourate Al-A'raf, verset 130. Donc, parmi les causes de la sécheresse et la hausse des prix et la cherté de la vie et l'injustice et la corruption, parmi les causes de la sécheresse et de la hausse du prix et parmi les causes de la sécheresse et de la cherté de la vie, de la hausse des prix et de la vie, de la hausse du prix et de l'injustice et de la corruption, ce sont les péchés. Ce sont les péchés que les humains commettent. Le messager d'Allah nous a annoncé que parmi les châtiments des péchés, la sécheresse ou le manque de pluie et ce qui en découle comme mauvaise récolte. Ibn Majah, rahimahullah, rapporte le hadith est authentifié par Cheikh Nasser Din Albani, rahmatullah alayh, selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui a dit: le messager d'Allah nous a fait face. Il a dit, ô muhajiroun, cinq défauts, si vous êtes éprouvés avec, et je demande à Allah que vous en soyez épargnés, et il a cité certains. Quand la turpitude apparaît chez un peuple, il se propage, ils seront touchés par des pandémies. Allahu Akbar. Cette parole prouve la véracité de notre messager alayhi salatu wassalam. Quand la turpitude apparaît chez un peuple et se propage, ils seront touchés par la pandémie, par des pandémies et des maladies qui n'existaient pas chez leurs prédécesseurs. Et combien de maladies les anciens ne connaissaient pas et qu'on subit actuellement? Quand la turpitude apparaît chez un peuple, ils se propagent, ils seront touchés par des pandémies et des maladies qui n'existaient pas chez leurs prédécesseurs. Et quand ils frauderont en trichant lorsqu'ils pèsent les marchandises, ils subiront la disette et la transgression des gouverneurs. Et s'ils ne s'acquittent pas de la zakat, ils seront privés de la pluie, et si ce n'est pas les bêtes, ils n'auront pas de pluie. Regardez tout ce qu'annonce notre messager, alayhi salatu wassalam, On le voit dans ce que nous vivons. Et cela doit nous motiver à s'accrocher encore plus à la sunna du messager alayhi salam et à mettre plus et faire des efforts pour notre religion et pour accomplir notre religion comme il se doit. Le messager d'Allah a aussi enseigné à sa communauté quand ils ont subi la sécheresse et le manque d'eau, comment la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle salat l'istisqa, la prière de la demande de l'eau ou de la demande de la pluie. Donc salat l'istisqa, c'est une prière à motif, comme la prière de l'éclipse ou la prière pour le mort. Donc l'istisqa consiste à demander l'irrigation, suqya, à la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque survient une sécheresse et une aridité nuisible, on peut demander la pluie en invoquant simplement ou en invoquant après la prière, comme ce qui est rapporté dans les hadiths, dans Sahih Abi Daoud. On peut demander la descente de la pluie en faisant une unité de prière ou en faisant une unité de prière composée de durkat, comme on fait salat l'Eid, ou tout simplement en faisant dua, comme ce dua rapporté par Abi Daoud, rahimahullah ta'ala, dans son authentique. Allahumma asqi ibadaka wa baha'imak, wa anshur rahmatak, wa hi baladaka al-mayyit. Le hadith nous dit cela dans sa traduction. Ô Allah, abreuve tes serviteurs et tes bêtes, réponds ta miséricorde et redonne vie à ces contrées arides. Et il est préférable d'accomplir aussi deux unités de prière en tout point similaires à la prière du Eid. Et on rapporte qu'il y a plusieurs, les hommes de science relatent qu'il y a plusieurs manières de demander la pluie. Ici, je vais en citer trois. Inch'Allah, accomplir la prière seul ou en commun et faire dua. Deuxièmement, la demande de pluie de l'imam lors du serment du vendredi, conformément à ce qu'a pratiqué le messager d'Allah, car c'est un moment où on espère que l'invocation soit exaucée. C'est-à-dire quand l'imam fait le prêche du vendredi, et fait le dua pour la demande de la pluie. Comme cela est relaté dans la sunna de notre messager alayhi salam, et comme il a été pratiqué par notre messager alayhi salam. Et aussi, l'invocation des musulmans après leur prière de manière individuelle et isolée. Et il n'y a aucune divergence sur la permission de demander la pluie sans accomplir de prière. Donc, lorsque le motif est réel, la prière de demande de pluie est une pratique fortement recommandée, et ce, à l'unanimité des hommes de science. Voici une manière de demande de pluie dans la sunna de notre messager alayhi salam, dans le hadith Hassan rapporté par Abu Daoud rahimahullah ta'ala. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait dans un état d'humilité, de dépouillement, de ferveur, de pondération et d'imploration. Et il accomplit deux unités de prière semblables à celles du Eid, sans prononcer le serment similaire. C'est-à-dire, sans prononcer le serment similaire, cela, disent les gens de la science, cela veut dire que le thème du serment n'est pas le même. C'est-à-dire, le thème du serment de la demande de la pluie n'est pas le même que le thème du serment de la fête du Eid. Donc cela veut dire que le thème n'est pas le même. Donc il est préférable de s'en tenir à ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est ce qui convient à la situation de la demande de la pluie. Et il est rapporté dans la formule de Abu Daoud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'invoquer la grandeur d'Allah et de l'implorer. Et c'est ce qui convient, car les gens sont venus demander la pluie, et le meilleur moyen de l'obtenir est l'invocation et la demande du pardon. Donc le but de la demande de la pluie est d'invoquer et d'implorer Allah en faisant preuve d'humilité, de faiblesse et d'indigence vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il convient de s'y rendre dans un état d'humilité du corps, de recueillement du cœur, d'imploration de la langue et de dépouillement dans l'habillement et l'attitude. Cet état est plus proche de l'exaucement du dua, et c'est ainsi que le prophète s'y rendait pour donner l'exemple à sa communauté. Dans le hadith Hassan, rapporté par Abu Daoud, rahimahullah, Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, a dit, les gens se sont plaints de la sécheresse au messager d'Allah qui ordonna qu'on place une chair dans le musalla, c'est-à-dire qu'on place un manbar dans le musalla à l'extérieur. Et il leur fixa un jour de rassemblement. Lorsque le soleil commença à poindre, ils se rendaient au musalla, s'assit sur la chair, célébra la grandeur d'Allah et le loua. Puis il dit, vous vous êtes plaint de l'aridité de vos terres et Allah vous a ordonné de l'invoquer et vous a fait la promesse de vous exaucer. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le miséricordieux, celui qui fut miséricorde, maître du jour de la rétribution, et il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, ô Allah, tu es Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, tu es le riche, une somme démunie, accorde-nous la pluie, et fais qu'il soit pour nous une source de force, et nous permette de vivre jusqu'à un terme fixé. Et il leva, alayhi salatu wassalam, ensuite les bras au ciel, et demeura ainsi jusqu'à ce qu'on voie la blancheur de ses aisselles, alayhi salatu wassalam. Puis il tourna le dos aux gens, c'est-à-dire il se tourne vers la Qibla. Et il tourna le dos aux gens, en étant sur le minbar, retourna son habit, c'est-à-dire il enlève son habit, il le met à l'envers, retourna son habit et garda ensuite les mains levées. Puis il fit face aux gens. Et il descendit, du minbar et accomplit deux unités de prière. Allah fait naître un nuage duquel émana le tonnerre, l'éclair puis la pluie. Dans une autre version, à peine que le messager est arrivé à sa mosquée, parce qu'il était à Al-Musalla, donc au retour, à peine il est arrivé à sa mosquée, la pluie est tombée et les ruisseaux commencent à couler. Et quand le messager a vu comment les habitants, les gens de Médine se précipitaient pour rentrer chez eux, il a souri, alayhi salatu wassalam, au point de voir ses molaires. Puis il a dit, j'atteste qu'Allah est capable de tout et je suis le soumis et le messager d'Allah. Ça, c'est une manière d'accomplir les salat l'istisqa. Le fait de retourner son vêtement, les hommes de science disent que le fait de retourner son vêtement est mentionné, le fait de retourner son vêtement est mentionné aussi dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, où il est dit, il se tourna vers la Qibla et invoqua, et il accomplit deux unités de prière dans lesquelles il récita à haute voix. Et ce hadith de Zayd, de Abdullah ibn Zayd, Il est rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim. Et le fait de retourner le vêtement pour l'imam, les savants disent, pour l'imam et les fidèles derrière lui, les savants disent, c'est par espoir qu'Allah retournera leur situation, retournera leurs difficultés en aisance et leur misère en richesse. Et ce qui est demandé de retourner, c'est le vêtement d'en haut. Hein? C'est le rida. Le hadith, dans le hadith de Ibn Abbas cité auparavant avant celui de Aïcha radiallahu anhum ajma'in, dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, il est indiqué que le prophète alayhi salatu wasalam a accompli la prière, puis a prononcé un serment. Alors que dans le hadith de Aïcha, le hadith de Aïcha indique l'inverse, que le prophète alayhi salatu wasalam a fait le serment, et après il a fait la prière. Et les savants ont réuni les deux hadiths, et ils ont rassemblé les deux hadiths comme comme à leur coutume, en disant que le prophète alayhi salatu wasalam a pratiqué tantôt ceci et tantôt cela. Des fois, il faisait la prière avant le prône, et des fois, il faisait le prône avant la prière, alayhi salatu wasalam. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, Anas rapporte qu'un homme entra dans la mosquée vendredi, alors que le messager était debout, prononçant le prêche. Il dit, ô messager d'Allah, nos biens sont perdus et les routes sont coupées. Alors, implore Allah qu'il nous accorde la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva les mains et dit, et il était sur le minbar, en train de faire le prône du vendredi, leva les mains et dit, « Oh Allah, accorde-nous la pluie. Oh Allah, accorde-nous la pluie. » Anas a dit, « On ne voyait pas de nuages dans le ciel, et entre nous, et la montagne de Sal'a, une montagne qui est à Médine, il n'y avait aucune construction. Et puis, un gros nuage est monté de derrière cette montagne. Et quand le nuage est arrivé au milieu du ciel, il a plu. Par Allah, pendant une semaine, nous n'avons pas vu le soleil. Et puis, il a dit, et puis un homme, le vendredi suivant, et puis il a dit, et puis un homme, le vendredi suivant, est rentré de la même porte. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est sur le minbar, prononçant le prêche, il lui a fait face, l'homme a fait face au prophète, il lui a dit, ô messager d'Allah, nos biens sont perdus, et les routes sont coupées, implore Allah pour qu'il retienne la pluie. Et le messager d'Allah a levé ses mains en disant, ô Allah, fais tomber la pluie aux alentours et non sur nous. Ô Allah, dirige-la vers les crêtes, les collines, les vallées et les plantations. Anas a dit, la pluie s'est arrêtée et nous sommes rentrés chez nous en plein soleil. Shariq, l'un des tabi'i, a dit, j'ai posé la question à Anas ibn Malik, est-ce que c'est le même homme qui est venu demander à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Anas a dit, je ne sais pas. Donc on voit dans ce hadith comment cet homme est venu énumérer les fléaux qui frappent les musulmans dans le but d'exposer la situation à celui qui peut être utile en pareille situation, comme le médecin qui peut soigner, on lui dicte à la souffrance qu'on subit, etc. Ou le riche qui peut faire l'aumône. Cet homme a demandé au messager d'Allah qu'il invoque Allah. Le prophète a accepté et a invoqué Allah. Allah a exaucé le dua de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le vendredi suivant, l'homme revint et demanda au prophète d'invoquer Allah pour que la pluie cesse après qu'ils eurent souffert de la continuité et de la force de la pluie. Le prophète invoqua Allah et la pluie cessa. Et donc, cette façon d'agir, ceci est valable durant la vie du messager d'Allah, et non une fois qu'il est mort. C'est pour cela que lors d'une sécheresse, Omar ibn Khattab a demandé à l'Abbas, l'oncle du prophète, alayhi salam, de faire du'a de la demande de la pluie. Et il ne s'est pas adressé au messager dans sa tombe, abadan. Donc, on retient aussi, dans ce hadith, l'autorisation de parler à l'imam seulement pendant le serment du vendredi. L'autorisation de parler à l'imam seulement pendant le serment du vendredi. Et ceci est une exception à l'interdiction de parler aux autres pendant le serment. Il est interdit de parler aux gens pendant le serment, mais on peut s'adresser à l'imam. On y retient aussi que quand la pluie est trop forte, il y a des dégâts, etc., on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le dua qu'a fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, où Allah dirige là, où Allah fait tomber la pluie aux alentours et non sur nous, où Allah dirige là vers les crêtes, vers les collines, vers les vallées et les plantations. Et donc, on retient aussi dans ce hadith la permission de demander le dua à l'impieux vivant. Cela fait partie des intercessions permises, comme ce qu'a fait Omar avec l'Abbas radiyallahu anhum ajma'in. Dans le hadith rapporté par al-Bukhari, rahimahullah, Anas rapporte, en cas de sécheresse, Omar radiyallahu anhu demandait à Allah de leur accorder la pluie par l'intermédiaire de l'Abbas, c'est-à-dire par l'intermédiaire du dua de l'Abbas bin Abd al-Muttalib. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait, « Oh Allah, nous te demandions la pluie par l'intermédiaire de notre prophète, et tu nous l'as accordé. À présent, nous cherchons intercession auprès de toi par l'oncle de notre prophète. Alors, accorde-nous la pluie. » Et ils étaient exaucés. C'est-à-dire, auparavant, on demandait à Rasul sallallahu alayhi wa sallam de faire dua pour la demande de la prière, et maintenant là on demande à l'Abbas de ne faire dua pour la demande de la prière. Et dans ce hadith on voit bien que les compagnons pour la demande de la pluie ne sont pas orientés vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'invoquer pour eux. Et il ne cherchait pas non plus son intercession auprès d'Allah à travers sa personne et son rang, comme ils disent les nuirons, hein, bijah nabi, hein. Donc, car les compagnons savaient que son invocation a cessé après sa mort, alayhi salatu wassalam, et que le fait de chercher intercession auprès d'Allah à travers la personne du messager et son rang n'est pas légiféré. Et ce qui n'est pas légiféré est une innovation. C'est pour ça que les nobles compagnons ne le faisaient pas, n'ont jamais dit « Bijah al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ya Rabbi anzilil matar » par le rang du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, par la personne et le rang du messager, où Allah descend de la pluie. Abadan, ils n'ont jamais dit ça. Mais il y a les innovateurs qui sont d'avis qu'il est permis de chercher l'intercession à travers la personne et le rang des créatures vivantes et mortes. Et cela est interdit. Car s'il était permis, le rang et l'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah n'ont pas diminué après sa mort alayhi salatu salam. Donc pourquoi les compagnons se sont-ils détournés de la recherche de l'intercession à travers la personne du messager alayhi salatu salam et son rang auprès de l'invocation de l'Abbas, l'oncle du prophète alayhi salatu salam? La réponse est simple. Il n'est pas permis de demander une invocation à un mort, quel que soit son rang. On ne peut demander le dua qu'au vivant, capable de le faire. Les compagnons se sont orientés vers la base pour qu'il fasse dua pour la pluie. Et ils ne se sont pas orientés vers le rang et la personnalité de la base, abadan. Mais ils ont demandé à la base de faire la demande de la pluie, le dua pour la descente de la pluie. Et il est très important pour nous de maîtriser cela, car c'est un point qui dépend de notre aqida. Et on doit réviser ce qu'a cité Cheikh l'Islam, Mohamed Abdelhab, rahimahullah, dans la deuxième règle, dans les quatre règles. La deuxième règle est très importante. Très important dans ce sujet qui est l'intercession. Et l'intercession dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a celle qui est permise et admise dans la législation d'Allah, et il y a celle qui est rejetée. Et l'intercession rejetée et celle qui est demandée à autre qu'Allah, concernant ce qu'Allah seul peut réaliser. Et l'intercession admise et établie par la religion d'Allah, il s'agit de celle demandée à Allah, hein, par l'intermédiaire d'un pieux, hein. Et ce pieux est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, hein, par l'acceptation de son intercession et par l'exauce de son dua. Et cette personne doit être vivante. La personne qui doit intercéder doit être vivante, doit être présente. Hein? On ne demande pas à mort. Et on ne demande pas par le rang de telle personnalité vertueuse ou de tel savant. Hein? Comme il n'est pas permis de demander par le rang du messager alayhi salatu salam. Et nous avons meilleurs modèles qui sont les nobles compagnons de Allah alayhim. Regardez le Farouk radiallahu anhu arda, qu'est-ce qu'il a fait au moment de la sécheresse? Il a demandé à la base de faire dua pour eux. Et il nous est obligatoire de suivre ces nobles compagnons de Allah alayhim. Car leur voix, c'est la voix du messager alayhi salatu salam. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا.